Et voici maintenant une capsule de la série Petite Mythologie, présentée par Martin Bertrand sur les ondes de C'est fou. Le iPod nanochromatique. Devenu une icône vestimentaire dans la cité, les fameux écouteurs blancs se retrouvent dans tous les lieux où l'on doit errer. Le iPod est rapidement devenu la norme en fait de lecteur de musique portatif. Un phénomène donc, s'il en est, qui mérite attention, du fait que ces petits appareils électroniques se sont répandus comme une traînée de poudre, et ce, au détriment de tous les autres lecteurs qui se sont vus supplantés par ce tout petit objet rectangulaire. Il faut dire que la compagnie Apple a beaucoup insisté sur l'esthétisme afin d'attirer la convoitise du consommateur. Format compact, forme épurée, design attrayant et couleurs vives. La publicité entourant l'objet est à son image, dépouillée mais efficace. On y voit des silhouettes d'hommes et de femmes, jeunes, dans le vent, à l'image du consommateur cible, qui se trémousse allègrement sur les rythmes à la page, le tout sur les mêmes couleurs que celles du produit. Les écouteurs, blancs, marque de commerce iPod, ressortent des silhouettes noires des utilisateurs. Ce qui attire mon attention, c'est surtout le nombre de couleurs qu'arbore l'objet, toutes vives qu'elles sont. D'ailleurs, chacun peut y trouver sa favorite, sur un produit qui, autrement, est manufacturé en série. Par projection, chaque propriétaire est donc unique de par sa couleur. Il a ses goûts, tant esthétiques que musicaux. Il est donc spécial et ressort de la masse des kidam. La publicité reprend aussi ce concept d'unicité puisque chaque silhouette danse à sa façon particulière sur sa couleur. Les concepteurs ont donc réussi un bon coup. Faire croire à la diversité d'un produit manufacturé qui n'a en fait de différence que son enrobage coloré, ses composantes internes étant les mêmes. Dans un monde de plus en plus anonyme, ayant perdu en grande partie le sentiment de communauté, l'objet confère à l'individu le sentiment d'exister individuellement et que son unicité est prise en compte. Pourtant, il n'en est rien dans les faits. Ajoutons à cela la possibilité de superposer une foule de produits à son iPod afin de le personnaliser, tant du point de vue des logiciels qui peuvent aller dedans que des produits qui peuvent modifier son dehors, étuis, autocollants, etc. Mais également, un nombre incroyable de produits de consommation sont compatibles avec le iPod ou le prennent comme base, ce qui fait vendre évidemment davantage. De plus, cette foule de produits accessibles à la condition d'avoir déjà le dit iPod confère à l'utilisateur l'impression de faire partie d'un club select et lui donne donc une identité. Ce sur quoi mise beaucoup Apple pour survivre dans un monde dominé par le PC. Dans ce monde, le iPod constitue une porte d'entrée efficace dans la famille Apple puisque le consommateur a déjà le pied dans la porte. Le iPod a donc une fonction double de différenciation et d'appartenance, qui répondent du même coup à deux besoins fondamentaux de l'être humain, en apparence inconciliables, celui de se réaliser individuellement et celui d'être reconnu. Pour assouvir ces deux besoins, la publicité contemporaine mise sur l'image de marque et propose une marque comme un mode de vie, plutôt que comme un vulgaire produit. Le iPod est donc plus qu'un lecteur de musique. C'est la liberté, c'est le plaisir, c'est l'individualité. Grosse commande pour un si petit produit. C'était une capsule de la série Petite Mythologie, présentée par Martin Bertrand sur les ondes de C'est fou.